Et pourtant, on sort pas ces vents imbéciles. Quand elle va gagner qu'on a dit au monde, font monde dans la position pour ta web gagner là. Ouais qu'on a habitué longtemps à venir dire oui. Mon tante, madame m'a dit ça. Oh oui, elle dormit dehors. Et c'est pas vrai, elle fait dormir dehors. Elle m'a pas jamais dormi dehors. Sande da kai, o domino locai. Boga no bagagiri. Não fala de domino locai. E só am dormi me rêve. Do fom que vou les o dom. Lembro lessa, só que me transformei. Non bouik laisse am tomber prani iron iron iron et puis m'a regardé ka voisin pour voisin tout nos type mon grand-père m'a fait le bœuf.